Esther chapitre 5. Et il arriva qu'au troisième jour Esther se vêtit d'un habit royal, et se tint au parvis de dedans du palais du roi, qui était au devant de l'autel du roi, et le roi était assis sur le trône de son royaume, dans le palais royal, vis-à-vis de la porte du palais. Or, dès que le roi vit la reine Esther, qui se tenait debout au parvis, elle gagna ses bonnes grâces, de sorte que le roi tendit à Esther le sceptre d'or qui était en sa main, et Esther s'approcha, et toucha le bout du sceptre. Et le roi lui dit, « Qu'as-tu reine Esther, et quelle est ta demande ? Quand ce serait jusqu'à la moitié du royaume, il te sera donné. » Et Esther répondit, « Si le roi le trouve bon, que le roi vienne aujourd'hui avec Haman au festin que je lui ai préparé. » Alors le roi dit, « Qu'on fasse venir en diligence Haman, pour accomplir la parole d'Esther. » Le roi donc vint avec Haman au festin qu'Esther avait préparé. Et le roi dit à Esther au vin de la collation, « Quelle est ta demande, et elle te sera octroyée. Et quelle est ta prière ? Quand tu me demanderais jusqu'à la moitié du royaume, cela sera fait. » Alors Esther répondit, et dit, « Ma demande, et ma prière est, si j'ai trouvé grâce devant le roi, et si le roi trouve bon d'accorder ma demande, et d'exaucer ma requête, que le roi et Haman viennent au festin que je leur préparerai, et je ferai demain selon la parole du roi. » Et Haman sortit en ce jour-là, joyeux et le cœur gai. Mais sitôt qu'il eut vu, à la porte du roi, Mardochée, qui ne se leva point, et ne se remua point pour lui, Haman fut rempli de colère contre Mardochée. Toutefois Haman se fit violence, et vint en sa maison, puis il envoya acquérir ses amis, et Zérès sa femme. Alors Haman leur raconta la gloire de ses richesses, et l'excellence de ses enfants, et toutes les choses dans lesquelles le roi l'avait agrandi, et comment il l'avait élevé par-dessus, les principaux seigneurs et serviteurs du roi. Puis Haman dit, « Et même la reine Esther m'a fait venir, que moi avec le roi au festin qu'elle a fait, et je suis encore demain convié par elle avec le roi. Mais tout cela ne me sert de rien, pendant tout le temps que je vois Mardochée, ce juif, séant à la porte du roi. » Alors Zérès, sa femme, et tous ses amis lui répondirent, « Qu'on fasse un gibet de 50 coudées, et demain au matin, dis au roi, qu'on y pende Mardochée, et va-t'en joyeuse au festin avec le roi. » Et la chose plut à Haman, et il fit faire le gibet.